similor qui m'a ben couple la won quoi mais couple bi nak dekk di dafa organisé bon mu ne mom bon ay futura xamna erreur rek lay yu am erreur rek lay am ak rapport sexuel ak jabar di quoi wa ben bes lundi jabar di nak defar bo bu baax xam nga digeen ñom dana bari fen quoi dekk dekk rek def touray dekk di ñew na ko xam nga leg xaram nek su mom quoi mu le ko yaagi pale lundi de bi mom créé na fi ben erreur quoi ci lundi bi quoi